Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 94. J'espère que tout le monde est en grande forme en ce vendredi 18 février 2022, jour de grosse tempête de neige apparemment. Et puis, comme je l'ai déjà dit, les écoles de nos jours ferment plus vite qu'un clignement d'yeux quand il y a deux flocons de neige dehors. Alors, les enfants sont à la maison, mais ma conjointe va pouvoir y retourner pour l'heure du midi. Puis, de toute façon, mon plus grand est quand même capable de s'occuper de son petit frère qui a quand même 9 ans toute la journée. Les lunchs sont prêts, ils ont juste à se faire chauffer ça. Je leur ai dit, appelez vos amis, allez jouer dehors, pelletez à court, ça va me rendre service. Ah, je vais vous acheter un petit chip en échange. Quelque chose de même. Fait que voilà, donc je suis au bureau quand même. Ça, c'est le fun. Je dois dire que de voir mes enfants grandir, ça fait drôle. Mais on s'en rend mon plus vieux. Mon plus vieux, il s'en vient un jeune homme, là. C'est spécial. Puis la même relation, tu sais. Puis mon plus jeune aussi, là. Faites des cas, c'est plus des bébés, là. On les prend plus. Je vois mes amis qui ont des très jeunes ou des jeunes enfants autour de moi, tu sais, puis c'est tout gaga, puis la garderie, puis les petites choses, tu sais. Moi, c'est plus ça. Mais c'était des beaux moments. Mais c'est tough, c'est des moments tough, hein. Les jeunes enfants, quand même, c'est de l'ouvrage, c'est de l'ouvrage. Donc là, je suis quand même. J'ai passé ça, j'ai payé mon dû. Là, je suis content d'être rendu là avec des enfants de cet âge-là. D'avoir un level de moins de stress par rapport à ça. Donc, ouais, tempête de neige à Montréal. Les gens savent plus conduire, le monde de la ville, quand il neige. Moi, quand j'étais en Beauce, là, ça prenait un mètre de neige pour faire mes affaires. Ouais, pas tant que ça. Puis là, il dit, ouais, mais là, les professeurs, les gens, ils viennent de loin pour aller à l'école. Ben, tu sais, en Beauce, nous autres, l'école, la polyvalente, en tout cas. Le monde, il venait de Saint-Ange, de Frampton, Saint-Édouard de Frampton, le Zoomeller, tout le monde. Vallée-Jonction. Un moment donné, il y avait du monde de Beauceville aussi qui venait. Saint-Odilon, de Cranbourne. Tout ça, tous ces beaux villages-là, là, remplis de gens, là, qui rempli de jeunes de mon âge là, qui voulaient me taper parce que je faisais du skate là. Bon, tout ce monde-là allait à mon école. Fait que c'est ça. Ah, je chiale là. Mais je prends pas, j'ai pas besoin de chialer. Aujourd'hui, tout va bien. Et puis fait que voilà. Mais on va là. Là, on va commencer. Tu sais, ça risque d'être court aujourd'hui. J'ai comme pas tant de choses à dire. Mais il y a des choses très importantes que je dois dire. Je dois faire un grand mea culpa pour commencer, mesdames et messieurs. Ça n'a pas été une traînerie après mon dernier épisode que je me suis fait dire et que j'ai allumé qu'en effet, je me suis trompé de Bowser. C'est pas Doug Bowser, le visage de Nintendo, qui est parti en prison pour avoir participé à un projet de hacking de console ou whatever. C'est Gary Bowser. Là, Gary Bowser, là, c'est ça, j'étais allé même trop vite pour pogner la nouvelle, là, tu sais, c'est comme Bowser Angel, je suis comme, what the fuck, puis là, c'est comme, depuis quand il y a plus qu'une personne qui s'appelle Bowser dans le monde, anyway, là, c'est bizarre, pareil, fait que c'est pour ça, moi, dans ma tête, je suis comme, il n'y a qu'un Bowser, Nintendo sous Bowser, Bowser Nintendo, des consoles, des Switch hackés, tu sais, comme, j'ai juste fait un plus un bêtement, ça me renseignait. Alors, c'est de la désinformation, donc, renseignez-vous. Faites vos recherches. Faites pas comme moi, dire n'importe quoi. Sans faire mes recherches. Alors, je n'ai pas fait de recherche. Et c'est pour ça que je me suis trompé de Bowser. Donc là, j'ai fait une petite recherche Google ce matin pour être sûr. Donc, Gary Bowser, 52 ans, a plaidé coupable à deux crimes pour son rôle dans Team Executor. Executor. Une organisation qui hack, qui jailbreak des consoles et puis qui est apparemment, d'après leur wiki, qui vendent des outils pour hacker des consoles et puis tout ça. Fait que Nintendo, ils ont dit, là tabarnak, ça va faire. Nintendo, eux autres, sont rough dans ces affaires-là. Et puis, ils ont poursuivi le tout. Fait que prison et tout et tout et tout. Donc, c'est Gary Bowser. Si vous voulez avoir plus de nouvelles par rapport à ça, c'est partout sur Internet. Et voilà, donc, ouais, moi, le hacking de Wii, mais de Switch, Le Switch, excusez. C'est quelque chose que je ferais pas. J'en ai entendu une qui a été hackée et puis c'est un petit paquet de trous, quoi. Il y a peut-être une meilleure façon de faire. Mais ouais, moi j'hésiterais avant de faire ça si j'étais vous. Tu sais, hacker les consoles modernes, c'est peut-être pas la meilleure façon de... ça peut juste briser, là, me semble. Fait qu'en tout cas. Donc voilà, ça, premier mea culpa, mesdames et messieurs. Je suis désolé. Vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, mais en même temps, pas tant que ça non plus. Alors, je me dis, soit que tout le monde est comme, ah, c'est pas ma gazette dans le champ. Ou il y en a une couple qui ont dit, oh boy, j'espère que, tu sais. Ou genre, personne de vous a vraiment suivi cette nouvelle-là. Ils sont comme, ah, OK. Ça m'en crisse. Fait que, en tout cas, si vous en crissez, au moins là, vous aurez la bonne information. Encore une fois, je suis désolé. C'est ça, le Papa Cassette Podcast. C'est n'importe quoi. Deuxième place où ce que je me suis trompé, mesdames et messieurs, et c'est sur ma page Facebook, où est-ce que j'ai dit... J'ai partagé une critique du jeu Infernax. Ce jeu-là est un genre de Castlevania-esque qui était, ça je l'ai appris cette semaine, qui était un Kickstarter à l'origine. C'est un genre de jeu, c'est ça, qui a de l'air de Castlevania, tu sais. Puis c'est fait au Québec par Berserk Studio, je crois. Et là, je vais aller regarder pour être sûr que c'est bien Berserk Studio. Parce que je veux pas me tromper. Oui, donc Berserk Studio. Eux qui ont fait l'excellent Just Shapes and Beats. Ce magnifique studio-là a envoyé un code à RDS Jeux Vidéo et puis Mario a fait une critique et puis moi je pensais que ça allait être un rogue, un genre de Castlevania rogue. Là, j'étais comme yeah, c'est cool, mais quand on est une rogue, man. Puis là Mario m'a dit non, c'est pas un rogue, c'est comme Castlevania 2, c'est comme... les gens ils disent Castlevania 2, Zelda 2, mais tu sais le seul Zelda 2 que j'ai vu là-dedans, c'est surtout parce que... Je vais en reparler plus tard, je vais commencer par le fait que je me suis trompé. Donc c'est ça, Infernax, c'est fait par Berserk Studio au Québec, c'était un Kickstarter. Et puis là, ça a sorti cette semaine, ce jeu-là apparemment, lundi. Puis moi je me suis mélangé, je pensais que c'était lundi qu'on recevait nos copies physiques chez Retro MTL. Et ce n'est pas le cas. Et vous étiez plusieurs à attendre ce jeu-là apparemment. Et il n'y en a plus chez Kickstarter, et il n'y en a plus chez, chez Limited Run, ça va être un Limited Run. Il n'y en a plus nulle part. Fait que là, tout le monde allume, tout comme moi, tu sais, comme, wow, ça s'en vient, ça, c'est malade, je veux ça. Puis là, c'est comme, hey, je suis pas capable d'en voir. Fait que là, on a eu beaucoup de messages sur Retro MTL pour Infernax, et puis je pense que c'est un petit peu à cause de mon partage de la critique de Mario, de jeux vidéo à RDS. Alors, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Les copies physiques de... Là, je vais juste réexpliquer Limited Run, comment ça marche pour nous. Si vous achetez, vous, les particuliers, un jeu chez Limited Run, vous le précommandez, tu sais, vous allez l'avoir avant nous autres, le magasin. Parce que nous, les boutiques et nos fournisseurs, on passe tout le temps en dernier. Limited Run, ils fournissent les jeux à ceux qui leur achètent directement. Et ensuite, ils fournissent les boutiques, etc. Là, je sais pas quand Limited Run va shipper ça aux particuliers. Mais nous, chez Retro MTL, nos commandes d'Infernax sont déjà passées parce que nous, il faut qu'on commande d'avance, très d'avance nos affaires. T'sais. Fait que ça, c'est un jeu qu'on a commandé, ça fait un bout, là, plusieurs semaines, là, pour vrai. Là, puis je me souviens pas de quand exactement. Mais c'est ça, nous autres, quand on reçoit du Limited Run, c'est tout le temps beaucoup plus tard alors que vous. Alors, vous allez voir sur Facebook, des gens vont dire « J'ai reçu mon Infernax! » Puis là, nous autres, on les aura pas eu encore, mais ça, quand ça c'est fait, ça veut dire que ça s'en vient. Donc, je ne sais pas quand on va les avoir chez Retro MTL, finalement, parce que le jeu est sorti lundi, c'est pas les copies physiques qui arrivent chez nous. Alors, ça peut être long encore. Sachez ceci, par contre, quand il y a un bel engouement par rapport à ce jeu-là, on a vraiment augmenté nos quantités. Et puis, j'y joue présentement, et puis je vais en reparler après ça, et puis c'est hot. Alors, voilà, donc écrivez-nous pas pour Infernax, on en a commenté des belles quantités, et on peut pas offrir de précommande de jeux en quantité limitée, comme Limited Run, chez Retro MTL, parce que nos quantités sont jamais vraiment garanties, tu sais. C'est facile pour nous d'ouvrir les précommandes, tu sais, pour... prêt pour Metroid Dread ou pour le nouveau Kirby. T'sais, ça, il y en a pour toujours. Il y a une shop quelque part qui en imprime tout le temps. T'sais. Mais Limited Run, c'est pas ça. Alors voilà. Mais on va en avoir. Je sais quand, je sais pas. Alors, c'est pas pour maintenant. Troisième petit point, puis ça, je pense, à passer dans le beurre, c'est juste mon ami Kevin Boily du Chaka Cassette qui m'a poké là-dessus, Mega Exhort, de son nickname. Par rapport à Earthbound, Mother 1, Mother 2. Puis là, j'avais dit qu'on n'allait pas avoir Mother 3 en Amérique du Nord, mais Mother 3 existe au Game Boy Advance. Là, attends un peu, je vais aller le googler. Mother 3 Game Boy Advance. Donc, Mother 3 serait-il sorti en Amérique du Nord? On dirait que oui. Ouais, c'est ça. Non, ça existe. Ça existe. Bon, c'est ça. Kevin m'a dit, hey, on l'a eu en Amérique du Nord, Mother 3, sur Game Boy Advance. Je suis comme, oh, ok. Donc, ça existe. Vous pouvez y jouer. Je sais pas combien ça vaut. Allez, on va aller voir sur Price Charting. On va aller voir ça. Mother. Aïe, mon chaud. J'ai chaud là présentement. Là, mon... Mother 3. Non! C'est un peu là. Ici, ça dit que c'est un homebrew Mother 3 Game Boy Advance. Sinon, c'est Japanese Game Boy Advance. Ah là, je vais arrêter de parler de ça d'abord. Là, parce que ça devient compliqué. Hostie. Fuck that. Oubliez. Si vous voulez jouer à Mother 3, renseignez-vous. Il l'aura pas sur Switch. Fait que c'est tout. Alors désolé pour le gars. Anyway, on s'en sac. Personne. Il y a juste Kevin qui est bien anal sur ses modders. Alors, Gary Bowser, c'est lui le vrai méchant. Et puis les Infernax vont venir chez Retro NTL éventuellement. Et nous en aurons beaucoup. Mais je vais juste finir avec Infernax en fait, parce que j'ai eu un code finalement, alors j'y joue. Et puis c'est vrai que c'est vraiment comme Castlevania 2. Ce que j'ai vu de Zelda 2 là-dedans, c'est vraiment juste comme les ennemis. Tu sais, les ennemis qui te pompent dans la face ou dans les jambes avec leur épée, là. C'est ce que j'ai vu. À date, j'ai pas débloqué une attaque qui pique vers le bas. Peut-être qu'il y en a une, ça va peut-être venir, je sais pas. Mais c'est ça. Puis donc, c'est un Metroidvania au sens que tu reviens, tu reparles d'un village et tout. Il y a des gens qui ont dit aussi que c'est un Faxanadu, tu sais. Mais je le trouve beaucoup plus orienté action que Faxanadu, si je peux dire. Et puis, il y a des éléments, de l'armure, de la magie, des upgrades. Tu level up, ça, c'est vraiment le fun, tu sais. Fait que tuer des ennemis, ça te permet de level up avec le temps. Tu gagnes l'expérience puis du cash que tu peux utiliser pour booster tes stats, donc mais c'est un système très simple. Je vous le dis, c'est du bonbon. Moi je suis hook, ben raide, j'ai hâte de revenir à la maison pour continuer ma game. Et puis, c'est fait au Québec, et puis je joue en français, et il y a, probablement que les jokes, il y a des jokes, il y a plein de jokes, et puis sûrement qu'il y a des, en anglais aussi, c'est pareil, mais c'est pas en québécois comme de Messenger. Mais je trouve que l'humour dedans, ça fait Messenger un peu pareil, tu sais. Ça se veut, tu sais, t'es un méchant, il y a des jokes ici et là, vraiment, vraiment nice. Et puis, ce qu'il y a de pas pire aussi, je trouve, c'est que il y a plusieurs endroits où est-ce que tu arrives devant une scène, il y a un scénario X qui se passe, et puis là, il t'offre deux choix, tu sais. Comme... sais-tu, moi, les villageois ont réussi à capturer une bébite dans une cage, puis là, ils disent « Ah, méchante bébite, faut la tuer, c'est dégueulasse. » Puis là, t'arrives, ton choix, c'est la tuer ou essayer, tu sais, de la sauver, genre. Puis à chaque fois que tu fais un choix, ça devient un choix permanent, tu sais. Donc, il va se passer quelque chose suite à ton choix, puis suite à ça, tu vas avoir tel item ou tel truc que tu vas avoir ou un autre. Donc, c'est ça. Et puis, je trouve que ça... En même temps, moi, je suis full stressé de ça. Mais sauvegarde avant les choix, puis là, j'essaye les deux choix, voir qu'est-ce que ça fait, tu sais. Mais je trouve ça vraiment nice, ça. Je trouve que ça donne une... C'est bien fait aussi, là, tu sais, comme le choix, ça devient full screen. Qu'est-ce que tu fais? Tu choisis, ting, cette option-là, ting. Comme un écran séparé en versus, un peu, là. Vraiment bien fait. Et puis, c'est ça, c'est des choix permanents, mais j'ai pas l'impression que c'est des choix qui influencent la fin que tu vas avoir du jeu ou des affaires de même, tu sais. C'est des petites choses, là, qui ont 100 grands... Ça va pas changer la game du tout, mais c'est vraiment une très bonne idée. C'est des beaux ajouts. Je trouve ça vraiment nice. Et puis, ouais, il y a vraiment des clins d'œil à Castlevania 2 là, par rapport à trouver les châteaux. Tu trouves 5 châteaux, apparemment. C'est ça. Donc, sérieux. Quand j'ai vu ça, je pensais que ça allait être un rogue, je sais pas pourquoi, parce que je suis bon pour ne pas bien me renseigner, parce que je vais trop vite au-dessus de l'information. Mais c'en est pas un. C'est vraiment un Castlevania, vraiment. Et puis, c'est crissement le fun. Puis c'est fait au Québec, fait que bravo aux gens de Berserk Studio. Les gens de Berserk Studio qui étaient venus chez Arcade MTL, d'ailleurs, pour un petit événement Switch avec Just Shape and Beats. Et puis, c'était cool. Fun fact, un des gars de Berserk Studio est bon ami avec Martine ici, chez Retro MTL. Donc, ils se connaissaient depuis très longtemps apparemment, mais ils s'étaient perdus de vue. Ils ont comme reconnecté à l'arcade. Fait que ça, c'est nice. Voilà. Donc, Infernax. C'est sur Game Pass. Plein de monde me dit, c'est sur Game Pass. Fait que, fine. Jouez-y. Si vous aimez Castlevania classique. Et puis moi, même si j'ai un code, c'est bien certain que je vais me prendre une copie physique que je ne déballerai pas finalement. Mais si j'avais pas eu de code, j'aurais déballé ma copie par contre pour jouer, ça c'est sûr. Est-ce que j'aurais acheté le jeu digital pour ne pas déballer ma copie par contre? Peut-être, parce que vois-tu, c'était un Kickstarter, les quantités sont pas mal limitées. Worldwide Infernax, je sais pas si la demande est énorme, tu sais, c'est peut-être un jeu qui va prendre une certaine valeur, ça, c'est à considérer. Donc voilà pour ça. Sinon, là je bois du café, j'en ai besoin. Hey, mes cheveux, man, je me fais couper les cheveux la semaine prochaine, là j'ai hâte, ça fait longtemps, j'arrive plus à... Avec ma tuque sur la tête, pelleté, la neige, tout, j'ai pas... J'ai les cheveux de croche. Je fais un mois sans alcool, le saviez-vous? Est-ce que ça paraît dans mon visage? Est-ce que mes cernes sont parties? Est-ce que mes cernes alcooliques? Moi sans alcool. Donc, c'était pas prévu. Au début du mois de février, on est allé chez des amis et puis j'avais bu une coupe de bière. Et bien, c'est dur des fois avec la bière de microbrasserie parce que là, tu veux te prendre une double IPA, man, puis des affaires, puis c'est toutes des bières à 8%, stout à 10%, man, puis tu sais, ça, je trouve ça difficile, moi, les hauts pourcentages de bières. Si j'étais brasseur, moi, je me concentrerais, j'essaierais d'avoir des bières pas trop élevées en alcool, et puis je me garocherais en hostie sur le marché du sans-alcool. Il y a clairement du cash à faire là, et puis ça n'existe pas, apparemment, des bières sans-alcool, ça accroche. Tu sais, il y en a quelques-unes là, que j'aime, là, que je trouve correctes, tu sais. Puis oui, la petite biérette là, de à une pièce, là, le choix du président, c'est bien correct, tu sais. Mais il n'y a aucune de ces bières-là que j'ai hâte tant que ça d'en boire une, comme j'ai hâte de me boire une bonne IPA du Nord-Est, tu sais. J'ai comme la satisfaction de descendre une bonne gorgée, ta première gorgée d'IPA du Nord-Est ou d'une bonne IPA, tu sais, ça n'a rien à voir... C'est nettement supérieur à quelconque bière sans alcool qui existe. T'sais. Fait que je comprends pas. C'est-tu si difficile que ça, faire de la bonne bière sans alcool? Je suis comme, Chris, il y a personne qui maîtrise ça, vraiment. T'sais. Oui, le bockel, mais je sais pas, là, c'est pas si malade que ça non plus. Là, j'aime bien leur petite bière au litchi, leur IPA, mais c'est ça, là! En tout cas, fait que là j'explore ça un peu les bières, les différentes bières sans alcool, mais le mois achève, fait que anyway. Mais ouais, je me suis ramassé chaud raide à boire des bières à 10% sans trop m'en rendre compte, puis là j'étais scrap le lendemain puis tout. Puis c'est tout le temps le meilleur moment de slacker à la boisson après avoir été scrap. Et puis ma blonde aussi, elle caressait l'idée. De boire peut-être moins, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, faisons donc ça, voir. On a des amis chez ces mêmes amis-là, en fait. Lui, il finissait son mois sans alcool, c'était janvier, puis moi, je me saoulais. Sans m'en rendre compte. Fait que bref, puis là, c'est moi qui ai sans alcool. Mais, puis on s'en va avec eux autres dans un chalet, genre, pour la semaine de relâche. Fait que, entre autres, et puis, fait que voilà, donc là, il faut que ça finisse, le mois sans alcool. Enfin, j'ai prévu boire de la bière au chalet. Mais ouais, on a comme décidé de faire ça de même. Tu sais, on n'a pas crié, genre, tout le monde, on fait le mois sans alcool. Tu sais, c'est comme, non, ben, on essaye dessus, tu sais. Oui, tu sais. Ça se fait toujours mieux ensemble, tu sais, comme en couple, là. La dernière fois qu'on avait fait un peu de sans-alcool ensemble, c'est quand ma blonde était enceinte, tu sais. Puis, c'est ça, mais sinon, tu sais, quand il y en a un qui boit, l'autre boit pas. Ben, moi, personnellement, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Mais ma blonde, elle est influençable, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai zéro problème pour vrai à juste, comme, pas boire un gros verre d'eau pour me calmer le désir, puis juste comme, bon, ben, je vais aller lire, puis me coucher, tu sais. Moi, je suis plate de même, dans la vie. Je peux être très, très, très, très plate, là. C'est comme, il reste juste des affaires plates dans le frigo à manger. Bon, ben, on va se faire un souper plate, et puis on va boire de l'eau, puis on va se coucher. J'ai zéro problème avec ça. Fait que c'est ça. Si j'étais célibataire, là, ça serait neutre, neutre, neutre. Tu sais, je me fais jamais des cadeaux, là. Tu sais, je me pose pas seul, tu sais, je ferais pas, je vais aller au restaurant seul, je fais jamais ça, tu sais, je suis comme, je vais manger ces vieilles affaires-là, j'ai acheté ces affaires-là, je vais les manger, puis ça va être ça, tu sais, je me punis. Mais pour moi, c'est pas de la punition, c'est de la rentabilité. Mais c'est ça. Fait que, bon, hey, on a commencé ça, et puis le mois sans alcool, ça se finit la semaine prochaine, et puis pas de misère, pour vrai, tu sais. On mange des chips pareil, là, parce que quand on boit de la bière, tu sais, la fin de semaine, c'est là qu'on mange des chips, pas la semaine, fait que ça va ensemble, tu sais, bière, chips. Souvent, les chips sont serrés, tu bois une bière, c'est pas long que tu sors les chips, t'sais. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait que de garder les chips avec la bière sans alcool ou le Perrier, ça marche, tu sais. Puis, juste boire un pétillant, moi, c'est suffisant pour piéger mon cerveau, et puis je suis satisfait de ça. Puis, c'est vrai que c'est quand même le fun de jamais être minimalement scrap le lendemain, tu sais. Parce que c'est rendu que je bois juste deux bières, puis le lendemain, je suis comme un petit fond, là, tu sais. Je suis pas 100%, mais un petit quelque chose, tu sais. Fait que, je sais pas si c'est la vieillesse ou je me dis, parce que je bois vraiment moins qu'avant aussi. Fait que, à force de pas boire, quand tu bois, ça t'affecte plus. Faut que je règle ça. Faut que je recommence à boire plus. Je vais aller au bar. Faut que j'aille au bar plus. Je recommence à me péter à la face, à être résistant à l'alcool. Je suis pas résistant là, à cette heure. Là. La preuve, c'est que c'est ça. Je suis tombé chaud raide chez nos amis l'autre fois. J'ai rien fait tant que ça. Là. Puis j'ai pris des spacers là, entre les drinks, là, une pinte d'eau. Là, puis on a mangé. Puis tout. Je sais pas. Mon corps, il se saoule facile. C'est malheureux. Fait que quand ton objectif, c'est pas d'être sous tout le temps. Là, j'ai slacké le café aussi. Pas là, mais j'en buvais aussi tout le temps l'après-midi. Là, je dois te dire, par contre, la fin de semaine, je triche. J'ai recommencé à boire un petit café d'après-midi. Mais pas au travail, par contre. Fait que ça, c'est bien. Donc, avant, j'avais des gens de bizarres de maux de ventre aussi qui m'écrasait, tu sais, puis tout, puis je buvais plus, puis je prenais des tonnes de café, tu sais. Et puis, j'ai plus ça depuis que j'ai slacké le café de 50% et que je bois moins, mais je bois pas tant. Comme je le répète, tu sais, je prenais jamais comme une petite bière le lundi, une petite bière le mardi, deux bières mercredi, tu sais, je faisais plus ça, tu sais. J'ai déjà fait ça il y a longtemps, je faisais plus ça. Fait que ça va mieux. Mais pour vrai, étrangement, ce mois-ci, j'ai eu pendant des semaines, là ça se calme un peu depuis deux jours, un fond de mal de tête. Puis des fois, comme mal à la tête toute la journée. Je comprends pas pourquoi. Je dors des bons 8 heures, je bois de l'eau, j'ai une vie saine, là, je mange des légumes, je bouge un peu, et puis je me dis, moi sans alcool, je vais être top shape, là, je vais avoir une belle énergie, les oiseaux vont se poser sur mes épaules, t'sais, le soleil va briller sur mon chemin, t'sais, puis man, je vais être productif, puis t'sais, ça va être un game changer, j'ai jamais fait ça de ma vie, genre pas boire pendant une semaine, depuis que j'ai 16 ans, là ça va être comme ailleurs, tu sais, je vais vivre quelque chose, ça va être une révélation, puis peut-être même je vais vouloir plus jamais boire de ma vie. Et puis finalement, là, mon mal de tête, je sais pas si c'est comme dû à une désintox quelconque de mon corps, là, mais sérieux, c'est crissement achalant, là, puis je sais pas ce que c'est, tu sais, j'ai-tu un cancer du cerveau, qu'est-ce qui se passe, je sais pas. Mais pour vrai, ça a comme rien changé, là. J'ai pas plus d'énergie, j'en ai pas moins, tu sais, c'est... J'ai pas perdu du poids, je pense. Mais je suis pas une personne qui prend ou qui perd du poids facilement, tu sais. Comme moi, je paye 160. Entre 160 et 165. Depuis les 25 dernières années. Ça me bouge pas. J'ai tout le temps ce poids-là, tu sais. Fait que, ben, je me considère chanceux pour ça. Je pense qu'il y a des corps qui tu sais, moi, je peux manger. Encore une fois, tu sais, quand tu varies et que tu fais attention, tu n'as jamais besoin de te priver. Tu sais, je pourrais manger une boîte de Joe Louis puis à tous les jours, tu sais, pendant un mois, puis je pense pas que je grossirais vraiment, tu sais, mais pendant une vie, ça serait autre chose. Fait que bref, je suis chanceux pour ça. Donc, ça n'a pas changé ma vie, le mois sans alcool. Pas du tout, même. Est-ce que j'ai pas de temps? Puis, tu sais, comme il y a des amis qui sont venus à la maison, qui prenaient une bière, tu sais, puis là, on passe la soirée. Le Super Bowl. J'ai fait le Super Bowl sans alcool. Et puis, le monde a commencé à boire à 4 heures. J'ai ouvert ma bière sans alcool. J'ai bu ça, puis j'ai bu ça toute la soirée. Puis, tu sais, j'étais bien chill, là. J'étais pas comme, ah, je veux une bière, une vraie bière. Non, rien. Puis, fait que le lendemain, lundi, j'étais bien content de pas être hangover, justement, d'avoir bu tout le dimanche. Puis j'ai pu travailler normalement. Fait que, voilà. Mais, non, ça a rien changé. Fait qu'avoir commencé à boire, ça sera ça. J'étais un peu déçu. Je pensais que ça allait, comme, changer quelque chose. Mais c'est ça, tu sais, je fais attention aussi, fait que... Ben, ce que ça va faire, par exemple, c'est que ça va m'influencer au sens que quand on va aller à l'arcade avec les chummies faire le party, je vais peut-être moins me défoncer qu'avant, tu sais. Je vais peut-être boire, genre, deux pintes de moins, puis remplacer ces pintes-là par de l'eau, un Perrier ou quoi que ce soit, juste pour balancer un peu, là, tu sais. Ça m'a conscientisé par rapport à la façon que je consomme, les soirs que je consomme, là, tu sais. Fait que je vais m'ajuster en fonction de ça, je pense. Chez Retro MTL, vous l'avez vu sur ma page Facebook, update poubelle, mesdames et messieurs, ça faisait longtemps. Donc oui, le lundi matin, c'est Papa Cassette, Bibi lui-même, qui s'occupe de mettre les vidanges au chemin. Parce que là, on fait affaire avec une compagnie de ménage, tu sais. Puis là, eux autres, ils n'ont pas catché encore le concept qu'on les paye pour qu'ils mettent le recyclage dehors au chemin. Fait qu'ils ont sorti les poubelles, puis là, ils remettent pas des sacs, tu sais, dans les poubelles. Ça, c'est du chiant un peu. C'est bien facile de sortir les poubelles puis de pas remettre de sacs. C'est remettre le sac neuf dans des poubelles partout dans la place qui est gossant. C'est la partie plate, ça. Moi, c'est ça qui me fait chier. J'haïs plus ça, remettre des sacs partout que de sortir les poubelles. Mais en tout cas, fait qu'ils sortent les poubelles, mais là, on va sortir le recyclage. Fait que là, bon, OK, fait que je me suis occupé de ça. Et quelle ne fut pas ma surprise d'arriver devant notre poubelle et de voir toutes sortes de vidanges devant, tu sais. Donc là, ce qu'on avait au menu, je pense que quelqu'un s'est fait évincer de son appart ou il y a eu une rupture dans un appart quelconque, site, le gars, il a fallu qu'il décrisse. Je dis que c'est un gars parce qu'il y avait des bobettes masculines, brunes et blanches, de marque le 31. Je connais ça, j'en ai déjà porté. Mais brune, pas dans le sens pleine de marne, brune, de couleur brune, ça avait même de l'air neuf, tu sais. Fait que c'est ça, c'est comme si quelqu'un s'était fait mettre dehors, puis là, il y avait comme de l'épicerie, puis du linge. Puis il y avait aussi un repas McDo, tu sais, dans un sac, où est-ce que le sac avait été crissé à terre. Fait que le gars, c'est comme, il s'est fait mettre dehors, hier, mettons, le scénario, hier, il s'était pogné un McDo en chemin pour aller manger chez eux. Là, sa blonde, il a dit, tu décrisses. Il a mangé son McDo rapide dans la place, il a pas eu le temps de manger sa poutine. Il a pris ses affaires, il est sorti dehors, il a dit « fuck tout, j'ai pas besoin de traîner mes cochonneries ». Il a ouvert notre couvercle de poubelle, mais le couvercle a pas tenu puis il a retombé. Mais pendant que le couvercle retombait, il a essayé de crisser ça dans notre poubelle qui était déjà pas mal pleine. Ça a tapé sur le couvert, ça a tombé à terre, il a tout laissé ça là, il a crissé son cap. Fait que c'est ça qui est arrivé à mon avis. Parce qu'il y avait des bobettes, il y avait son McDo éventré un peu partout, dont une poutine. Mais là, ce qui aidait, c'est que c'était des journées où il faisait ultra froid. Fait que tout était en bloc de glace. Fait que la poutine était un bloc de glace brun, tu sais, ça bougeait pas. Fait que j'ai pu ramasser ça quand même puis mettre ça dans la poubelle sans que ça me beurre tout parce que c'était gelé. Fait que ça, c'est bon. Fait que, ouais, il y avait des bobettes, il y avait un sac de riz, il y avait un casseau de bleuet, neuf, là, pas entamé, là. Ben, là, répandu, là, mais tu sais, tu voyais que la quantité était bonne pour que ça soit un casseau neuf, tu sais. Et puis, c'est ça, des aliments non déballés, tu sais, d'un sac de riz, ben, c'est bizarre. Fait que tout ça à terre, et puis à côté, dans notre bac de recyclage, il y avait aussi des sacs de crottes de chien, cul de marde des voisins, des gens qui s'achètent des animaux de compagnie, et puis qui doivent payer la nourriture de ces animaux-là, tu sais, pour que la nourriture, elle soit transformée dans l'animal, que leur argent... C'est comme mettre de l'argent dans la bouche de l'animal, puis ton argent se transforme en marde à terre. Puis là, faut que tu ramasses cette marde-là. Puis là, tu viens la mettre dans mon recyclage. C'est ça. Moi, je comprends pas cette logique-là, encore une fois, t'sais, de dépenser ton argent pour transformer ton argent en marde de chien de cul, puis t'es même pas capable de la ramasser. En tout cas, fait qu'il y avait... Pauvres gens, tu sais, qui font leur... Pauvres gens au centre de tri, man. Tu sais, moi, j'ai pas fouillé au fond de ma poubelle de recyclage, là, pour enlever tout ce qu'il aurait pu avoir de marde, là. Il y a des limites à un moment donné. Tu sais, j'ai pris les sacs sur le dessus, j'ai transféré dans les poubelles, tu sais, mais... Hey, doivent-tu en ramasser de la marde là-bas, eux autres? Oh, my God. J'espère qu'ils sont payés cher, ces gens-là. Ça doit être une job épouvantable. Le convoyeur avec le recyclage qui arrive, ce type. Des couches là-dedans, des sacs de marde de cul. Fait que, non, ça doit être l'enfer. Fait que, c'est ça qui s'est passé, c'était ça. Je chiale. C'est pas si pire, là, quand même. Parce qu'au moins, tout était gelé. Fait que j'ai pris toutes ces briques de glace-là, je les ai mis dans notre poubelle, puis voilà. Fait que là aussi, on va poker la compagnie de ménage pour qu'ils sortent les affaires ici, là, parce que ils le font pas, tu sais, c'est un problème. Et puis, excusez, je regarde quelques notifications. Ah, puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, il y a comme un bug, là, ça me bug. Oui, c'est ça, on produit beaucoup de recyclage ces temps-ci parce que l'opération déboxage de jeux continue chez Retro MTL. Donc, là, on va avoir une avalanche de boîtes Xbox 360. Je vais tasser mon téléphone pour pas être déconcentré. Fait que toutes les sleeves, toutes les livrets, là, on en remplit des sacs et des sacs et des sacs. Là, fait que ça roule, là, on en a beaucoup. C'est bien le fun, on fait ça en fin de journée quand notre tête est fatiguée d'avoir fait de l'ordinateur. Sinon, autre nouvelle, l'arcade Réo, l'arcade MTL est à la recherche de staff. Là, je pense qu'il y en a un ancien qui va revenir. Fait que là, il nous manquerait un barman ou barmaid, bien sûr, et quelqu'un à l'accueil. Donc, on travaille là-dessus. Et puis, on sera plus... À partir du 14 mars, on a plus à exiger le passeport. Et puis, il n'y a plus de quantité de... C'est plus 50% et tout ça. Fait que il va juste rester le masque le 14 mars. Fait que ça, c'est bien. On essaye d'ouvrir... Là, on est... Quelle date j'ai dit qu'on était, là? On est le 18. On a le droit d'ouvrir à partir du 28. Qui est un lundi, on va certainement pas ouvrir le 28. Moi, je pense que ça serait plaisant d'ouvrir le 3 mars. Jeudi, le 3 mars, ça ferait du sens. Avant ça, ça donne rien. Et on sera tenu de fermer à 1h du matin, la scale à minuit. Et puis, on va essayer de réouvrir les fins de semaine. Donc, deux jours la fin de semaine. Avant, on était ouvert de midi à 3h du matin, mettons, le samedi. Fait que le chiffre de midi à 5, on va essayer de le remettre, là. Ça serait plaisant, mais on pouvait pas parce qu'on manquait de staff. Puis là, faut qu'on ouvre à 19h aussi parce qu'on manquait de staff, mais si on en a assez, tout ça va revenir. Tout ça va revenir, peut-être, j'espère. C'est ça qui est tannant, à chaque réouverture, tu sais, c'est... Là, à chaque fois qu'on se fait fermer, c'est comme, t'as ton château de cartes, t'sais, c'est comme si quelqu'un donne une tape dessus, puis là, à chaque fois que tu réouvres, c'est comme, tu reprends tes cartes, tu recommences un petit peu à monter ton château de cartes. Puis là, bon, ben, tu refermes, là, t'as juste un étage de fête, quelqu'un souffle dessus, tu comme, puis là, tu recommences, tu sais, puis là, tu perds des cartes, puis là, faut que ça te prenne d'autres cartes, puis tout est à refaire tout le temps, tu sais, tout est, faut rebâtir la fondation tout le temps, puis la fondation est tout... Pendant que t'as refait, pas solide encore, tu sais. Les bonnes années de l'arcade, c'est comme ça roulait, on n'avait aucun tracas, tout le monde faisait sa job, c'était plein, ça roulait. Là, depuis 2 ans et quelques, depuis la pandémie, c'est ça, c'est de l'instabilité tout le temps, tu sais. J'ai vraiment pis des heures bizarres, des passeports, man, des affaires qui manquent, tu sais, j'ai vraiment hâte que tout soit stable. Qu'on revienne à la formule d'avant, on n'arrive pas à faire des tournois, t'sais, les soirées, ok, mais il faut que le monde, soirée d'humour le mardi, fine, mais là, il faut que le monde soit à 2 mètres, là, puis c'est comme, cabarnak, man, on n'arrive pas à rien faire normalement, c'est tellement pourri, esti. Fait que j'espère, moi, que les gens vont être comme bien à l'aise, t'sais, moi, c'est tout ce que je veux, puis comme, venez, on est chill, vous êtes chill, on boit de la bière, on va refaire des tournois, on s'en crisse, ça va être parfait. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de l'arcade. On travaille sur la réouverture. Samedi, je vais là, et puis on va avec Ellie, puis Joe Brochu, Johnny Gretis, et puis on a 2 nouvelles machines à rentrer, 1 à sortir, et puis on va refaire le tour de toutes les machines, s'assurer que c'est propre. On va se faire un petit meeting avec la gérante. Fait que ça, c'est bien. Un truc que j'avais oublié de mentionner à mon dernier épisode pour le Nintendo Direct, parce que c'est pas une affaire qui m'intéresse personnellement, mais c'est quelque chose qui intéresse une grande majorité de gens. Des nouvelles tracks de Mario Kart, donc qui sont disponibles. J'ai-tu bien compris 48 nouvelles tracks, genre quelque chose de même, quantité de fou. Puis je pense que tu peux toutes les avoir que pour 25$. Fait que c'est vraiment pas cher, c'est un très bel upgrade. Donc, à l'arcade, c'est bien certain qu'on va acheter ce pack-là, et puis qu'on va faire des tournois de Mario Kart, et puis que, tu sais, on va s'amuser avec ça. Ça va être vraiment nice. Ah. Sinon, Mario de RDS Jeux Vidéo m'a poké ce matin avec une nouvelle intéressante qui a vu sur Nintendo Life. L'excellent jeu Snow Brothers. Vous savez ce que c'est, le bubble, entre guillemets. De top land, donc les 2 petits bonhommes de neige qui lancent des petites balles de neige à des ennemis pour les transformer en boules, puis tu pousses les boules, puis les ennemis meurent, puis ça te fait des fruits, puis des affaires qui pop, puis tu ramasses. Donc c'est un puzzle à la Bubble, là. C'est de ce style de jeu-là, et puis moi j'adore ce jeu-là. À l'origine c'est un jeu d'arcade, ensuite il y a eu un port sur NES et Game Boy. Quand j'étais jeune, j'ai acheté mon 2e jeu que j'ai eu au Game Boy, c'était Snow Brothers. J'avais comme décidé d'acheter ce jeu-là quand je l'ai vu chez Kerouac à Saint-Georges. Et puis, là, la seule place où ils vendaient des jeux. Et puis, je voyais que c'était weird, tu sais. C'était Capcom, puis c'était pas commun. Je savais déjà que c'était comme un genre de jeu pas commun. Puis, ça avait de l'air le fun, tu sais. Ça avait de l'air, justement, tu sais, bubble, tout ça. Je vais essayer ça. Et puis, j'adore ce jeu-là. J'ai beaucoup aimé. C'était facile. Je le faisais tout d'une traite, tu sais, de temps en temps. Souvent, même. Quand on allait à Old Orchard en char, c'est comme « Ah ben, je vais faire Snow Brothers au complet. » Ça me faisait passer une petite demi-heure, 40 minutes du voyage, tu sais. Ouais, fait que, puis je vais le refaire. J'ai ma paquette là, qui est prête, je serais dû. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait au complet. Puis comme je vous ai peut-être déjà dit, moi je veux revoir tous mes jeux d'enfance de Game Boy, parce que tous les jeux que j'avais étaient tous bons au Game Boy. Je les veux tous complets. À date, je les ai tous, sauf... J'ai réussi à les rattraper tous, sauf un. Et c'est The Jetsons, de Taito. C'est un bon petit platformer. Mais Snow Brothers, j'ai réussi à l'avoir. Je pense que je l'ai payé 500$. Puis à cette heure, il serait sûrement encore plus que ça. Puis ça... Les jeux Game Boy de cette qualité-là, complet, c'est-tu que ça vaut cher à cette heure? Fait que tu sais, le Jetson, je le veux, là, mais il va sûrement me coûter au-dessus de 500$ le jour où je vais le trouver. Mais je vais le trouver puis je vais l'acheter, c'est-tu, quand ça va passer. Je l'ai raté une fois, c'est comme « Ah, fuck! » Ça va revenir. Mais puis le fait que j'aie eu Snow Brothers au Game Boy m'a fait allumer sur cette franchise-là. Et puis à Saint-Joseph-de-Beauce, à notre centre d'achat, à un moment donné, il y avait tout le temps une arcade qui traînait, puis il y avait une rotation, puis à un moment donné, il y a eu Snow Brothers. Ils ont changé le board, ils ont mis Snow Brothers dedans, je suis comme « Ah! Malade! » J'adorais ça. L'arcade était pas mal rapide, puis tout, là, c'était hot, c'était dur. Et puis quand je suis arrivé à Montréal, je cherchais tout le temps les jeux, tu sais. J'étais allé à l'IDFX sur Jean Talon, et puis il y en avait un sur Jean Talon dans ce temps-là, puis j'ai vu Snow Brothers loose au NES, tu sais. puis c'était le plus cher des jeux qu'il y avait. Il était 30$ dans ce temps-là, fait que là, je l'ai acheté, tu sais, j'ai comme, ouh, tu sais, c'était cool. Je préférais la version Game Boy quand même, je trouvais un peu laid la version NES, mais ça faisait la job, puis on sait ce qui est advenu de ce jeu-là. À cette heure, il vaut des centaines de dollars, genre 300$, là, je me rappelle plus. On a eu un il y a pas longtemps, ici, chez RetroMTL, puis il a vendu tout de suite. Je vais juste aller voir Price Charting, qu'est-ce que ça dit. Snow Brothers. Au NES, ça dit 362$. Puis au Game Boy, loose, 135. Au Game Boy complet, 670$. Au NES, 1000$ complet. Puis bon, vu mon amour pour cette franchise-là, je vais vous montrer quelque chose. Chez RetroMTL, ici, on a un livret comme ça de Snow Brothers au NES. Il est quand même pas mal propre. Donc là, moi, tout ce qui me manque, dans le fond, pour j'aimerais l'avoir complet au NES, tu sais, ça coûte cher, là. Puis je veux pas acheter une copie complète à 1500$ sur eBay, là. Fait que là, il manque juste la boîte. Parce que j'ai le livret ici, puis le jeu, je l'ai depuis l'idée fixe. Je l'ai payé 30$. Fait que, tu sais, tu comprends? Ça revient à un bon marché, là. Donc, ouais, j'aimerais ça. Si quelqu'un a une boîte de Snow Brothers en bon état au NES, c'est un jeu que j'aimerais beaucoup avoir complet. Donc, pour revenir à la nouvelle de Nintendo Life, par contre, je vais juste ressortir le post de... Hein? Je viens juste ouvrir Facebook, puis RDS, pas jeu vidéo, vient d'annoncer que... Le Québécois Vincent Lecavalier sera conseiller spécial aux opérations hockey. Tandis que Nick Bobrov sera co-directeur du recrutement amateur. Bon ben, c'est-tu pas beau ça? Je vais digérer cette nouvelle-là plus tard. Alors, pour Snow Brothers, mon ami Mario m'a forwardé le truc. Et puis, il va sortir un genre de package. Ça va s'appeler Snow Brothers Special. Et puis, malheureusement, il y a comme un genre de collecteur dans lequel il y a des stickers, des toutous, un genre de petite mini marquee d'arcade, là, je sais pas quoi. Un paquet de crises de cochonneries que je veux pas. Fait que là, j'ai hâte de voir. Là. Clear River Games vont publisher le jeu en Europe et la version physique en Amérique du Nord. Donc, puis Day One Game Media Lab va publier le jeu digital pour l'Amérique du Nord. Alors, c'est très cool. The physical version will come with an instruction manual and 3 sticker sheet. Fait que, ah, puis il y a aussi un key porte-clés. Donc, il semble avoir un collector, puis il y aura sûrement une version standard. Et puis, ça va être sur Clear River Games. Je vais aller voir le site de Clear River Games. C'est comme une compagnie, ça, qui a de l'air de produire... Ah ouais, hein? Tu vas sur leur site, là, puis c'est Snow Brothers en gros. Puis, Clear River Games, c'est eux qui ont publié, qui ont fait Always Collection en physique, puis ils ont fait Hunt Down en physique, puis ils ont fait Ease Origin en physique. Donc, c'est une belle petite compagnie, ça, qui fait des jeux physiques pour nous, les gens qui aiment avoir physique. Alors, faut vraiment que je surveille ça. Je veux pas rater ma shot sur ce Snow Brothers-là. Et puis, on va essayer de l'avoir chez RetroMTL, mais encore une fois, rien de tout cela ne peut être garanti. Donc, Snow Brothers, man. Yeah, yeah, yeah. J'aime ça, moi. Qu'est-ce que c'est hot, la Switch, man. Ils font... Tous ces beaux jeux-là qui sortent en copie physique. Là, tu sais, chez nous, j'ai beaucoup de jeux Switch. Je sais pas, j'ai aucune idée où je suis rendu à combien. Peut-être 200. Je vais regarder. Ah non, mon application est pourrie. Il n'y a même pas à moitié de jeux là-dedans. Je sais pas, mais j'ai beaucoup. J'ai un mur de Red Wall of Death, tu sais. Puis je trouve ça plate. Tu sais, c'est comme le PS1, hein. Ceux qui collectionnent le PS1, c'est juste noir avec des écritures blanches. Puis Switch, ben, c'est rouge avec des écritures blanches. T'sais, c'est comme. C'est pas plaisant, tu sais. Ce qui est le fun, c'est de voir les pochettes. Mais de mettre les jeux de face, tu sais, je veux dire, ça prendrait. Ça va prendre un mur complet. Je me dis, Chris, il y a peut-être moyen un jour d'utiliser un mur pour faire, tu sais, comme les mettre un petit peu en diagonale, un par-dessus l'autre, mais qu'on voit quand même les pochettes. Tu sais, on va faire un genre de truc pour avoir un display mural, un vrai mur Switch, tu sais. Parce que. Même quand je me dis, ah, je vais aller jouer à un jeu, tu sais, là, je descends en bas, je lis mes tranches, tu sais, c'est pas pareil que de voir les pochettes, dire, ah oui, ça, il y a un feeling de plus, tu sais. je m'ennuie de voir des covers. C'est ça qui arrive avec les grosses collections, c'est que t'as pas le choix de les mettre un à côté de l'autre comme dans une bibliothèque, que ce soit des boîtes NES, Super NES, des jeux à disque. Puis c'est bien beau de voir un petit gros paquet de tranches, mais des fois, man, ça me manque de voir les pochettes, tu sais. Fait qu'il y a des zones chez nous où est-ce que j'ai des affaires à, qu'on voit les pochettes, fait que des fois je les change, tu sais, pis tout. T'sais, c'est comme un jeu, esti, à 2000$, pis oui, tu vois juste une tranche, tu sais, je trouve ça un peu dommage. Mais en tout cas, faudrait, c'est ça. Là, pour l'instant, je veux pas mettre d'argent sur du custom mobilier pour ma collection, parce que je pourrais, pis j'ai des idées. J'ai pas trouvé encore la belle façon de display mon full set Game Boy. Je voudrais ajouter de la lumière dans mon présentoir, des vitres pour bloquer la poussière, mais je veux pas mettre de cash là-dedans pour le moment. Peut-être que je vais me permettre ces frivolités-là lorsque l'arcade soit en santé et qu'elle va m'apporter des revenus. Là, j'aurai un peu de lousse, mais même à ça, tu sais, je préfère mettre de l'argent de côté pour des projets à venir. Fait que voilà. Bon, hey, faut qu'on finisse ça. Ça fait combien de temps? 45 minutes quand même. Ça va être un show régulier finalement. Je vais finir avec le jeu Mole Mania sur Game Boy. Mole Mania que j'ai pris le temps de terminer, qui est un jeu lui aussi de puzzle, dans lequel t'as 8 mondes, t'es une taupe. Il y a un genre de méchant fermier qui a kidnappé tous tes enfants pis ta femme. Pis toi, ta job, c'est de passer à travers 7 mondes et de faire tous les puzzles qu'il y a dans ces mondes-là. Et puis à chaque monde, tu délivres un de tes enfants. Et puis, quand tu as fini tous les mondes, tu unlocks le 8e monde, qui est en fait un boss rush. Puis à la fin, tu tues le boss de fin, puis tu délivres ta femme. Et puis, la façon que ça se joue, c'est que chaque monde, comme je disais, c'est des niveaux. Il y a plein de niveaux. Jamais le même nombre. Et puis, ce que tu fais, toi, en tant que taupe, c'est que chaque niveau a comme la vue de dessus et la vue souterraine. Donc, tu peux plonger sous terre, ça fait un trou. Puis là, en dessous de la terre, des fois, il y a des ennemis. Des fois, il y a des blocs qui t'empêchent de passer. Ou des fois, il y a des passages qui t'amènent à d'autres niveaux. Donc, tu joues sur deux niveaux comme ça. Pendant que tu es en dessous de la terre, puis les ennemis sont juste au-dessus, tu peux juste te sortir le nez, puis voir qu'est-ce qui se passe au-dessus pour, tu sais, comme planifier tes affaires. Fait que ça, c'est très bien fait. Et puis, toi, tu peux pousser des tonneaux, genre, qui peuvent servir à... Tu les pousses dans les trous pour boucher les trous, pour pousser des blocs. Puis le but de chaque niveau, c'est d'amener un genre de gros boulet noir, comme un boulet de canon, puis le pousser, puis de l'amener pour détruire le bloc de roche qui bloque la sortie. Fait que ce boulet-là, tu peux le pousser, puis il roule, ou tu peux le pitcher par-dessus ta tête, par en arrière, puis il roule vers l'arrière, ou tu peux juste le pousser puis le tirer. Mais il y a d'autres affaires, des genres de gros poids que tu peux juste pousser et pas les tirer. Il y a des tuyaux qui ont des angles que tu peux pousser et pas tirer. Puis que si tu fais rouler des affaires dedans, comme des tonneaux ou le boulet, ben il va passer dans le tuyau, puis tu sais, il va faire un angle, puis il va s'envoyer ailleurs. Fait que c'est ça. Puis des fois, il y a des pics sur lesquels tu peux pas passer, mais tu peux faire rouler tes affaires dessus. Fait que là, il faut que tu ailles en dessous de la terre pour sortir de l'autre côté, pour reprendre ton affaire que tu as poussée. Tu sais, c'est comme dur à expliquer, mais c'est simple à jouer, tu sais. Mais par contre, tu sais, plus que tu avances dans le jeu-là, plus que les casse-têtes deviennent des vrais casse-têtes. Mais c'est pas broken, tu sais. Puis ça peut être décourageant, surtout quand tu es rendu à partir du monde, là. Ça va assez vite, là. Rendu au monde déjà 5... 5, 6, 7, les casse-têtes peuvent être tough. Mais tu sais, des fois, t'en as un que tu bloques, puis là, il est tard. T'es comme, ah, si, man. Puis tu sais, ça peut te prendre là, 20 minutes, une demi-heure là, avant de réussir à le faire, tu sais. Puis quand tu le fais, t'es satisfait, mais des fois, tu y arrives pas, tu sais. Fait que moi, je remettais ça de côté. Je vais refaire ça une autre fois, là. J'ai fait 3-4 niveaux aujourd'hui. C'est assez, j'ai avancé, c'est correct, j'y reviendrai. Là, tu reviens avec une tête fraîche. Et puis là, tu comme, ah, là, t'allumes, tu sais, il y a comme une affaire que t'as pas vue, tu dis, ah ouais. Fait que, tu sais, il faut vraiment le jouer comme ça. J'ai pas triché, j'ai regardé aucun gameplay sur YouTube, ben j'aurais pu, tu sais. Je trouve que regarder du gameplay, genre pour un jeu d'action, comment battre un boss, c'est pas vraiment tricher parce qu'il faut quand même que tu battes le boss, tu sais. Mais par contre, tu sais, pour un jeu de puzzle, c'est juste carrément regarder la réponse. Fait que, tu sais, j'aurais été déçu de moi-même d'avoir une dizaine de niveaux que j'ai pas réussi à trouver la réponse. Fait que je l'ai vraiment fait nature, pour vrai. Et puis j'y suis arrivé. Puis c'est pas parce que j'ai une intelligence supérieure, vraiment pas. Mais c'est parce que le jeu il est bien fait. C'est beaucoup de laisser-erreur aussi. Là, t'arrives dans un niveau, des fois, surtout vers la fin, là, il y a des tuyaux, il y a des pics, il y a des barils, il y a des bébites. T'es comme, ah, man, le niveau, il est plein de merde, tu sais. Mais là, tu te rends compte que tout ne sert pas nécessairement à quelque chose, puis que finalement, c'est en poussant un truc, t'es comme, ah, oui, ok, oui, d'accord. C'est que t'as de laisser-erreur. Quand tu sais pas quoi faire, essaie-erreur, pousse des trucs, lance des affaires, là, t'es comme, ok, oui, ah, ben. Puis là, tu déduis des choses, tu dis, OK, ce bloc-là que je ne peux que pousser, il n'y a pas le choix d'aller toujours à droite. Ça, c'est sûr que ça se fait. Que je le fasse tout de suite ou que je le fasse plus tard, il n'est pas dans le chemin de rien. Fait que là, tu sais, OK, ben là, je pousse ça. D'abord, ça, c'est sûr que c'est l'étape 1. T'sais. Puis là, tu déduis, ah non, merde, si je fais ça tout de suite, mon boulet, il ne passera pas tantôt. OK, ça, c'est pas tout de suite. Fait qu'il y a beaucoup de déductions. Puis tu y arrives comme ça, tu sais. C'est bien fait comme ça, là, vraiment. Donc, puis c'est un jeu qui est produit par Miyamoto. Donc, c'est nice, tu sais. Puis le visuel, il est magnifique, tu sais. Ça fait très penser à Wario Land, Super Mario Land 3. Puis, tu sais, la musique, là. Tu sais, c'est vraiment du Nintendo, là. Tu sais, c'est fait par Nintendo, puis tu le sens, là. La qualité est là, tu sais. Comme je disais, c'est bien dommage que Nintendo n'ait jamais comme milké cette franchise-là. Il y a de quoi à faire, tu sais, les personnages sont très intéressants. Même sa pochette, tu te dis, OK, c'est plein de personnalités, là, ce jeu-là, puis cette pochette-là, puis celle-là. Fait que c'est ça. J'ai lu sur Internet que la taupe est comme un spirit dans Smash, et c'est tout. Fait qu'on ne l'aurait pas vu nulle part ailleurs, donc c'est un peu dommage. Mais comme mon ami Patrick Doyon disait, en même temps qu'il n'y ait jamais eu de suite ou jamais rien par rapport à ce jeu-là, ça le rend spécial, tu sais, ça le rend très spécial pour la Game Boy. C'est comme un jeu unique, Game Boy, c'est une franchise qui n'a jamais eu de suite puis c'est disponible que sur Game Boy. Fait que tu sais, définitivement un must dans votre collection Game Boy si vous aimez le style puzzle. Et puis, ça en est tout un, tu sais. Mais c'est long, là, c'est un gros projet, hein. Ça m'a pris 7 heures et demie de faire ça. Parce qu'à la fin, t'as tes stats. Et puis, j'ai joué sur ma pocket. Et puis, écoute, c'est tellement beau jouer sur la pocket, l'analogue pocket. J'adore ça. Là. Gros écran, c'est clean. T'sais, la musique, elle sort. C'est... Puis, en faisant l'update de la pocket, il y a un save state de disponible. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je sauvegardais ma game direct. Je pense que ma batterie affaiblissait. Puis, mon fils, il a voulu jouer un peu. Fait qu'il a comme scrappé mon autre game. Je suis comme, j'utilise mon save state. Puis, je laisse ça sur pause. Puis, je continue ce que je suis rendu. Fait que c'est ça. Mais, j'ai pas triché. J'ai pas comme save state avant les boss. Puis tout. Fait que c'est ça. Mais, c'est un très, très bon jeu. Pour vrai, on va regarder combien ça vaut, ça. Juste la cassette maintenant. Mole Mania. D'après moi, c'est un jeu qui doit bien valoir une trentaine de piastres. Oh, tabarnak! 80 piastres! Shit! On est rendu loin, là. Là, ils disent complet en boîte 300 piastres, mais fiez-vous pas à Price Charting pour les jeux de Game Boy complet en boîte, là, sérieux. C'est certain que si quelqu'un a ça, il vendra pas en bas de 600, t'sais. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. D'ailleurs, Price Charting, hein, il y a beaucoup de monde qui bâche là-dessus, puis tout, tu sais, il faut en prendre puis en laisser. Là. Price Charting, c'est un bon outil général, puis ça fait la job, tu sais, pour avoir une bonne idée. Puis ici, chez RetroMTL, on l'utilise là, abondamment, tu sais, pour tout ce qui est, tu sais, jeu à 20$, whatever, tu sais, on commencera pas à tout checker ça, là, mais pour les gros jeux, tu sais, allez voir sur eBay les ventes, les objets vendus, allez voir ce qui est disponible, allez voir ce qui est vendu, tu sais, puis faites un petit peu plus de recherche, là, ça, c'est quand même important. Donc, voilà, Mole Mania, beaucoup, beaucoup de plaisir avec ça. Bon, ben, aïe, ça va être tout, les amis, faut que je m'en aille, faut que j'aille travailler, faut que je maximise mon beau vendredi. Alors, voilà, pas trop parler de COVID aujourd'hui, ça fait du bien, hein? Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire, là, ça va comme fade out, et puis encore désolé pour mes erreurs de Bowser, et puis d'Infernax, des choses qui arrivent, et puis on se tient au courant, suivez ma page Facebook, suivez les développements RetroMTL et ArcadeMTL, merci à mes Patreons, vraiment, je prends pas assez le temps de vous remercier, c'est très apprécié. Votre contribution, et puis voilà, Je vous aime, les amis. Vous êtes bien gentils. Ça me donne... tu sais, ça me fait du bien de ventiler ici, de jaser. Le feedback est le fun, tu sais. C'est très plaisant. Bon, hey, je vous laisse. Je finis mon café. Il faut que j'aille bosser. Alors, prenez soin de vous et à bientôt.